cette amoureuse déclaration d'Hippolyte à Aricie est stoppée par l'arrivée de la reine Phèdre. Phèdre, restée seule avec sa confidente Œnone et Hippolyte, semble exalter le souvenir de Thésée. Et pour mieux apprécier cette évocation de Phèdre, on se souviendra que Thésée avait ramené Phèdre de Crète après avoir abandonné sa sœur Ariane, dont le fil avait permis à Thésée de sortir du labyrinthe où il venait de tuer le Minotaure.